Chapitre 12e, au jour. Le voyageur s'était levé de grand matin pour donner un coup d'œil à la voiture et s'informer de la santé d'Altotas. Tout le monde dormait encore au château, excepté Gilbert, qui, caché derrière les barreaux d'une chambre qu'il habitait à la porte d'entrée, avait curieusement suivi les manœuvres de Balsamo et interrogé toutes ses démarches. Mais Balsamo s'était retiré, fermant la porte du compartiment d'Altotas. Il était loin avant que Gilbert eût mis le pied dans l'avenue. En effet, Balsamo, en remontant vers le massif, avait été frappé du changement que le jour apportait dans le tableau qui lui avait paru si sombre. Le petit château blanc et rouge, car il était fait de pierres et de briques, était surmonté d'une forêt de sycomores et de faux ébeniers immenses, dont les grappes parfumées tombaient sur son toit et saignaient les pavillons comme des couronnes d'or. En avant sur le parterre, une pièce d'eau de 30 pas en carré avec une large bordure de gazon et une haie de sureau en fleurs faisait un délicieux repos pour la vue sacrifiée de ce côté, grâce à la hauteur des marronniers et des trembles de l'avenue. De chaque côté des pavillons montait jusqu'à un petit bois touffu, asile d'une multitude d'oiseaux dont on entendait au château le concert matinal, montait, disons-nous, une large allée d'érables, de platanes et de tilleuls. Balsamo prit celle de gauche, et au bout d'une 20aine de pas, il se trouva dans un massif de verdure dont les roses et les seringas, trempées la veille par la pluie d'orage, exhalaient des parfums délicieux. Sous des bordures de troène perçaient les chèvrefeuilles et les jasmins, et une longue allée d'iris, entremêlée de fraisiers, se perdait sous un bois tout enchevêtré de ronces en fleurs et d'aubépines roses. Balsamo arriva ainsi jusqu'à la partie culminante du terrain. Il vit les ruines, majestueuses encore, d'un château bâti en silex. Une moitié de tour subsistait seule au milieu d'un énorme amoncellement de pierres, sur lesquelles serpentaient de longues guirlandes de lierre et de vignes vierges, ces sauvages enfants de la destruction que la nature a placés sur les ruines pour indiquer à l'homme que les ruines elles-mêmes sont fécondes. Ainsi considéré, le domaine de Tavernay, borné à 7 ou 8 arpents, ne manquait ni de dignité ni de grâce. La maison ressemblait à ces cavernes dont la nature embellit les abords avec ses fleurs, ses lianes et la capricieuse fantaisie de ces groupes de rochers, mais dont la nudité extérieure effraie et repousse le voyageur égaré qui demande à ces roches creuses asile pour la nuit. Tandis que Balsamo revenait après une heure de promenade des ruines vers la maison d'habitation, il vit le baron ensevelissant sa frêle personne dans sa grande robe de chambre d'indienne à fleurs, sortir de la maison par une porte latérale donnant sur l'escalier et parcourir le jardin en épluchant ses roses et en écrasant des colimaçons. Balsamo se hâta d'accourir à sa rencontre. « Monsieur, » dit-il avec une politesse d'autant plus recherchée qu'il avait sondé plus avant la pauvreté de son hôte, « permettez-moi de vous présenter mes excuses en même temps que mes respects. J'aurais dû attendre votre réveil pour descendre. » Mais de ma fenêtre, le coup d'œil de Tavernay m'a séduit. J'ai voulu voir de près ce beau jardin et ces ruines imposantes. Le fait est, monsieur, que les ruines sont fort belles, répondit le baron, après avoir rendu ses politesses à Balsamo. C'est même tout ce qu'il y a de beau ici. C'était un château ? Demanda le voyageur. Oui, c'était le mien, ou plutôt celui de mes ancêtres. On l'appelait Maison Rouge, et nous avons longtemps porté ce nom avec celui de Tavernay. La baronnie est même celle de Maison Rouge. Mais, mon cher hôte, ne parlons plus de ce qui n'est plus. » Balsamo s'inclina en signe d'adhésion. « Je voulais de mon côté, monsieur, » continua le baron, « vous faire mes excuses. Ma maison est pauvre, et je vous avais prévenu. Je m'y trouve admirablement bien, monsieur. »« Un chenil, mon cher hôte, un chenil, » dit le baron, « un nid que les rats commencent à prendre en affection. » Depuis que les renards, les lézards et les couleuvres les ont chassés de l'autre château. « Ah, pardieu, monsieur !» continua le baron. « Vous qui êtes sorcier, ou peu s'en faut. Vous devrez bien relever d'un coup de baguette le vieux château de Maison Rouge, et ne pas oublier surtout les 2000 arpents de prés et de bois qui forment sa ceinture. Mais je gage qu'au lieu de songer à cela, vous avez eu la politesse de dormir dans un exécrable lit. Oh, monsieur, ne vous défendez pas, mon cher hôte. « Le lit est exécrable, je le connais, c'est celui de mon fils. »« Je vous jure, monsieur le baron, que tel qu'il est, le lit m'a paru excellent. En tout cas, je suis confus des bontés que vous avez pour moi et je voudrais, de tout mon cœur, vous le prouver en vous rendant un service quelconque. » Le vieillard, qui raillait toujours, ne manqua pas de répliquer. « Eh bien, » dit-il en montrant la vrille, qui lui apportait un verre d'eau pure sur une magnifique assiette de Saxe, « l'occasion s'en présente, monsieur le baron. Faites pour moi ce que notre seigneur a fait pour les noces de Cana. Changez ces tours en vin, mais en vin de Bourgogne au moins, en Chambertin, par exemple. Vous me rendrez en ce moment le plus grand service que vous puissiez me rendre. » Balsamo sourit. Le vieillard prit le sourire pour une dénégation. Il prit le verre et avala son contenu d'un trait. « Excellent spécifique, » dit Balsamo. « L'eau est le plus noble des éléments, baron. » Attendu que c'est sur l'eau que fut porté l'Esprit de Dieu avant la création du monde. Rien ne résiste à son action. Il perce la pierre, et peut-être un jour reconnaîtra-t-on qu'il dissout le diamant. « Eh bien, l'eau me dissoudra, » dit le baron. « Voulez-vous trinquer avec moi, mon hôte ? Elle a sur mon vin l'avantage d'être d'un excellent cru. »« Oh, il en reste encore. Ce n'est pas comme de mon marasquin. » « Si vous aviez à votre verre ajouté un verre pour moi, mon cher hôte, peut-être eussé-je pu tirer de cette politesse un moyen de vous être utile. »« Bon, expliquez-moi cela. Est-il encore temps ?»« Oh, mon Dieu, oui. Ordonnez ce brave homme de m'apporter un verre d'eau bien pure. » « L'abri, vous entendez ?» dit le baron. L'abri partit avec son activité ordinaire. « Comment ?» dit le baron en se retournant vers son hôte. « Comment le verre d'eau que je bois chaque matin renfermerait des propriétés ou des secrets dont je ne me doutais pas ? Comment j'aurais depuis 10 ans fait de l'alchimie, comme ce Jourdain faisait de la prose, sans m'en douter ?»« J'ignore ce que vous avez fait, » répondit gravement Balsamo, « mais je sais ce que je fais moi. » Puis se retournant vers l'abri, qui avait fait la commission avec une rapidité miraculeuse. « Merci, mon brave serviteur, » dit-il. Et prenant le verre de ses mains, il l'éleva à la hauteur de ses yeux et interrogea le contenu du cristal sur lequel le grand jour faisait nager des perles et courir des zébrures violettes ou diamantées. « C'est donc bien beau ce que l'on voit dans un verre d'eau, » dit le baron. « Diable, diable !»« Mais oui, monsieur le baron, » répondit l'étranger. « Aujourd'hui, du moins, c'est fort beau. » Et Balsamo parut redoubler d'attention, tandis que le baron, malgré lui, le suivait des yeux, et que l'abri, tout ébahi, continuait de lui tendre son assiette. « Qui voyez-vous, mon cher hôte ? » dit le baron, continuant son persiflage. « En vérité, je boue d'impatience. Un héritage pour moi, un nouveau maison rouge pour établir un peu mes petites affaires. J'y vois l'invitation que je vais vous transmettre de vous tenir sur le qui-vive. Vraiment ? Dois-je être attaqué ? Non, mais vous devez ce matin même recevoir une visite. Alors c'est que vous avez donné rendez-vous à quelqu'un chez moi. C'est mal, monsieur, très mal. Il n'y aura peut-être pas de perdreau ce matin, prenez-y garde. Ce que j'ai l'honneur de vous dire est sérieux, mon cher hôte, reprit Balsamo, et de la plus haute importance. Quelqu'un s'achemine en ce moment vers Tavernay. Par quel hasard, mon Dieu, et quelle espèce de visite ? Instruisez-moi, mon cher hôte. « Je vous en supplie, car je vous avouerai que pour moi, vous avez dû vous en apercevoir à l'accueil un peu vinaigre que je vous ai fait, tout visiteur est important. Précisez, cher sorcier, précisez, si cela vous est possible. Non seulement cela m'est possible, mais je dirai plus. Pour que vous ne m'ayez pas une trop grande obligation, cela m'est même facile. » Et Balsamo ramena son œil scrutateur sur la couche d'opale qui ondulait dans le verre. « Eh bien, voyez-vous ? Demanda le baron. « Parfaitement. Alors parlez, ma sœur Anne. Je vois venir une personne de haute condition. Bon, vraiment. Et cette personne vient comme cela, sans être invitée par personne. Elle s'est invitée elle-même. Elle est conduite par monsieur votre fils. Par Philippe ? Par lui-même. » Ici, le baron fut saisi d'un accès d'hilarité fort désobligeant pour le sorcier. « Ah ! Dit-il, conduite par mon fils. Vous dites que cette personne est conduite par mon fils. » « Oui, baron. Vous le connaissez donc, mon fils ? Pas le moins du monde. Et mon fils est en ce moment à une demi-lieue, un quart de lieue peut-être. D'ici ? Oui. Mon cher monsieur, mon fils est à Strasbourg, où il tient garnison. Et à moins de s'exposer à être déclaré déserteur, ce qu'il ne fera pas, je vous jure, il ne peut m'amener personne. Il vous amène cependant quelqu'un, dit Balsamo, en continuant d'interroger son verre d'eau. Et ce quelqu'un ? Demanda le baron. « Est-ce un homme ? Est-ce une femme ? C'est une dame, baron, et même une très grande dame. »« Ah, tenez, quelque chose de particulier, d'étrange. « Et d'important ?» reprit le baron. « Ma foi, oui. Achevez, en ce cas. » « C'est que vous feriez bien d'éloigner votre petite servante, cette petite drôlesse, comme vous dites, qui a de la corne au bout des doigts. »« Et pourquoi cela? L'éloignerais-je » « Parce que Nicole Leguet a dans le visage quelques traits de la personne qui vient ici. »« Et vous dites que c'est une grande dame. »« Une grande dame qui ressemble à Nicole. »« Vous voyez bien que vous tombez dans la contradiction. »« Pourquoi pas ?»« J'ai acheté autrefois une esclave qui ressemblait tellement à la reine Cléopâtre qu'il était question de la conduire à Rome pour la faire figurer dans le triomphe d'Octave. » « Bon, voilà que cela vous reprend, » dit le baron. « Ensuite, faites-en ce que vous voudrez, de ce que je vous dis, mon cher hôte. Vous comprenez, la chose ne me regarde aucunement, et est toute dans vos intérêts. » « Mais en quoi cette ressemblance de Nicole peut-elle blesser la personne ?»« Supposez que vous soyez roi de France, ce que je ne vous souhaite pas, ou dauphin, ce que je vous souhaite moins encore. Seriez-vous charmé, en entrant dans une maison, de trouver au nom des domestiques de cette maison une contrefaçon de votre auguste visage. Ah, diable, dit le baron, voici un dilemme des plus forts. Il résulterait donc de ce que vous dites que la très haute et très puissante dame qui va venir serait peut-être mal contente de voir son visage vivant en jupe courte et en fichu de toile. Eh bien, dit le baron, toujours riant, nous y aviserons quand il le faudra. Mais voyez-vous, cher baron, dans tout cela, c'est mon fils qui me réjouit le plus. « Ce cher Philippe, qu'un heureux hasard va nous amener comme cela, sans crier gare. » Et le baron se mit à rire plus fort. « Ainsi, dit Balsamo, ma prédiction vous fait plaisir. Tant mieux, ma foi. Mais à votre place, baron, à ma place, je donnerai quelques ordres. Je ferai quelques dispositions. Vraiment ? Oui. J'y songerai, cher hôte, j'y songerai. Il serait temps. C'est donc sérieusement que vous me dites cela ? On ne peut plus sérieusement, baron. Car si vous voulez recevoir dignement la personne qui vous fait la faveur de vous visiter, vous n'avez pas une minute à perdre. » Le baron secoua la tête. « Vous doutez, je crois, » dit Balsamo. « Ma foi, cher hôte, j'avoue que vous avez affaire à l'incrédule le plus endurci. » Ce fut en ce moment que le baron se dirigea du côté du pavillon de sa fille pour lui faire part de la prédiction de son hôte et qu'il appela « André, André !» Nous savons comment la jeune fille répondit à l'invitation de son père et comment le regard fascinateur de Balsamo l'attira près de la fenêtre. Nicole était là, regardant avec étonnement l'abri, qui lui faisait des signes et cherchait à comprendre. « C'est diablement difficile à croire, » répétait le baron, « à moins que de voir. » « Alors, puisqu'il faut absolument que vous voyez, retournez-vous, » dit Balsamo en étendant la main vers l'avenue, au bout de laquelle galopait à toute bride un cavalier dont le cheval faisait résonner la terre sous ses pas. « Oh oh !» s'écria le baron. « Voilà, en effet. »« Monsieur Philippe !» s'écria Nicole en se haussant sur la pointe des pieds. « Notre jeune maître !» fit l'abri, avec un grognement de joie. « Mon frère, mon frère !» exclama André en lui tendant les deux bras par sa fenêtre. « Serait-ce par hasard votre fils, cher baron ?» demanda négligemment Balsamo. « Oui, pardieu, oui, c'est lui-même, » répondit le baron stupéfait. « C'est un commencement, » dit Balsamo. « Décidément, vous êtes donc sorcier, » demanda le baron. Un sourire de triomphe se dessina sur les lèvres de l'étranger. Le cheval grandissait à vue d'œil. On le vit bientôt, ruisselant de sueur, entouré d'une vapeur humide, franchir les dernières rangées d'arbres, et il courait encore qu'un jeune officier de taille moyenne, couvert de boue, et la figure animée par la rapidité de sa course, sautait à bas du coursier et venait embrasser son père. « Ah, diable !» disait le baron, ébranlé dans ses principes d'incrédulité. « Ah, diable !»« Oui, mon père !» disait Philippe, qui voyait un reste de doute flotter sur le visage du vieillard. « C'est moi, c'est bien moi !»« Sans doute, c'est toi !» répondit le baron. « Je le vois à mordieu bien !»« Mais par quel hasard reste-toi ?»« Mon père !» dit Philippe. « Un grand honneur est réservé à notre maison. » Le vieillard releva la tête. « Une visite illustre se dirige vers Tavernet. Dans une heure, Marie-Antoinette Joseph, archiduchesse d'Autriche et dauphine de France, sera ici. » Le baron laissa tomber ses bras avec autant d'humilité qu'il avait montré de sarcasme et d'ironie et se tournant vers Balsamo. « Pardonnez, » dit-il. « Monsieur, » dit Balsamo en saluant Tavernet, « je vous laisse avec monsieur votre fils. » « Il y a longtemps que vous ne vous êtes vu, et vous devez avoir 1000 choses à vous dire. » Et Balsamo, après avoir salué André, qui, toute joyeuse de l'arrivée de son frère, se précipitait à sa rencontre, se retira, faisant un signe à Nicolet à l'abri, qui sans doute comprirent ce signe, car ils suivirent Balsamo et disparurent avec lui sous les arbres de l'avenue.